connais la recette, investissement bénéf, argent peu de love, égale réussite, encore un cocktail, on se prend pas la tête, je peux t'avoir tout de suite, mais je laisse du suspect, élastique et rouleau, je sors du boulot, tout en full option, je reviens de mission, jamais de pression, ça devient la routine, showcase et booking, vidage de boutique. Je connais gangster et sicario. Je suis pas Pablo, je suis pas Cuevo. Je veux juste voir ce qui se passe ailleurs. Je t'ai laissé sur répondeur. Je retourne charbonner devant le four. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Je m'approche du mili. C'est fini, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Je m'approche du mili. Dans la Maybach, grosse liasse, pillage. Mauvais garçon, chargé comme le convoi. Laisse-moi 30 secondes, je m'enroule un autre. Surveille tes arrières, ça peut venir de tout part. Je connais gangsters et sicariens.